sais plus trop que faire de moi. Les maudits jours où tu m'aimes pas. Est-ce qu'il faut que je te parle pas? J'ai peur, je suis maladroit, j'ai froid. Et toi qui ne me regardes pas, tu fais comme si j'étais pas là. Des imbéciles, je suis le roi. Les maudits jours où tu m'aimes pas. Au revoir de moi, et pitié de moi.